Section 2. Chapitre 1. Première partie. Les paysans. Suite. Par Charles Seignobos. L'exploitation seigneuriale. Ce qui caractérise le paysan du Moyen Âge, c'est la dépendance envers le propriétaire de son village, celui qu'on appelle en latin dominus, en allemand Herr, en français seigneur. Ce seigneur peut être grand ou petit, un chevalier, un comte, un roi, il peut être un guerrier, un évêque, un abbé ou une femme. Les rapports entre les paysans et le seigneur restent pareils. Toujours il repose sur le droit du seigneur de tirer de ses paysans un revenu et des services, sans être obligé en échange à rien autre chose qu'à leur laisser la possession de sa terre. C'est une exploitation. Le mot même date de ce temps. Comment s'est-elle établie ? C'est une des questions les plus controversées de l'histoire du Moyen Âge. Et les documents sont trop rares et trop imparfaitement étudiés pour permettre de la résoudre. Il était dans la logique de l'organisation des grands domaines que le tenancier fût astreint à des redevances et des corvées, et soumis à l'intendant du propriétaire. C'est ce qui se produit encore aujourd'hui. Mais il est certain qu'en fait, on connaît des exemples d'exploitation établie par l'usurpation ou la violence. Des fonctionnaires qui ont transformé en droits de propriété perpétuelle les droits de leurs fonctions, par exemple des droits de péage ou de réquisition, ou le droit de lever des amendes. Des laïcs qui se sont fait payer la dîme créée d'abord au profit de l'Église. Des seigneurs qui ont exigé une redevance des paysans d'un domaine étranger à titre de garde, c'est-à-dire d'assurance contre leur propre brigandage. Des propriétaires qui ont indûment augmenté les charges de leurs tenanciers. À quelle origine remonte, en tel village donné, telle obligation des habitants ? Ou même, dans quelle proportion, la violence, l'usurpation, la fraude ont-elles concouru avec le droit primitif du propriétaire à former l'ensemble du régime ? Une statistique seule pourrait nous l'apprendre, et cette statistique ne sera jamais faite. Mais l'obscurité des origines n'empêche pas de se former une idée claire du régime établi au XIIIe siècle. Les paysans avaient pu d'abord distinguer des redevances considérées comme légitimes, les exactions indues, établies par violence ou par fraude, celles qu'ils appelaient les mauvaises coutumes. L'expression est fréquente surtout au XIe siècle. À la longue, l'usage avait légitimé les mauvaises coutumes et fixé toutes les obligations des paysans. Ces obligations, appelées plus tard improprement « droits féodaux », car elles n'ont rien de commun avec le fief, différaient un peu d'un village à l'autre. La même obligation portait souvent en différents lieux un nom différent. Aussi la liste de ces noms serait-elle longue à dresser. Ducange en donne une qui occupe 27 colonnes, in quattro. Mais sous ces noms différents se retrouve dans toute l'Europe un régime analogue. En tenant compte seulement de la forme des obligations, non de leur origine, on peut les distinguer en redevances, prestations et corvées. Redevances. Les redevances se lèvent soit en argent, soit en nature. Elles sont dues soit à des époques fixes, soit à l'occasion de certains actes. Les redevances fixes en argent sont surtout, outre la capitation des serfs, les taxes de rachat, le cens, la taille. Le cens est une rente en argent due par le tenancier à raison de sa tenure, une sorte de prix de fermage, fixé par une coutume ancienne. Si le tenancier ne la quitte pas à l'époque fixée, le seigneur peut lui retirer la tenure ou du moins exiger la somme avec une amende supplémentaire. Il existe aussi dans quelques pays des redevances sur la maison ou le feu, masurage, focage, fumage. La taille ou quête est une redevance levée une ou plusieurs fois par an sur chaque famille de tenanciers. Le nom, qu'on ne trouve pas avant le XIe siècle, désigne seulement l'entaille faite au couteau sur un morceau de bois au moment où l'on payait la redevance. Quelle que soit son origine, qu'elle soit une forme de la capitation servile ou un droit nouveau imposé à tous les tenanciers, la taille est devenue si générale que dans le langage ordinaire, elle symbolise l'ensemble des redevances. On dit « taillables à merci ». La taille paraît avoir été d'abord arbitraire, à la volonté du seigneur, à merci. Les paysans semblent avoir tenu beaucoup à la rendre fixe. À la fin du XIIIe siècle, ils y avaient réussi presque partout, souvent en achetant au seigneur un contrat d'abonnement par lequel ils consentaient à ne plus réclamer qu'une somme fixe. Parfois, c'est la femme du seigneur qui a intercédé pour les pauvres tenanciers, et son intervention a fait naître quelques légendes touchantes comme celle de Lady Godiva. Les taxes de rachat représentent d'anciennes charges en nature supprimées par un accord avec le seigneur. Les redevances en nature dues à des époques fixes consistent surtout en une part des produits du sol perçus après la récolte, comme cela se pratique aujourd'hui encore dans les pays de métayage. Le seigneur prélève ainsi une partie des gerbes de blé, champard, gerbage, de l'avoine, avenage, du foin, fainage, des vendanges, vinage, complan, des poules, de la cire. Il lève aussi un droit en argent ou en grain pour chaque tête de bétail, bœuf, mouton, porc ou chèvre. Beaucoup de redevances pèsent sur certains actes, et l'on voit augmenter, pendant le Moyen-Âge, le nombre de ces actes soumis à un droit, du moins les noms qui les désignent n'apparaissent-ils guère qu'après le Xe siècle. Au XIIIe, on trouve établi un système de droits de mutation, l'aude, l'aude et vente, droits payés par le tenancier quand il donne ou vend sa tenure, pour faire approuver la cession par le seigneur, droits de succession, relief ou rachat, sans compter la main morte sur les successions des serfs et le droit de déshérence, échouate, sur les biens vacants. On trouve aussi un groupe de droits de circulation, quelques-uns fort anciens, sur les routes, carillage, rouage, etc., sur les ponts, sur les rivières et dans les ports, au passage des portes, un groupe de droits sur le commerce et l'industrie, droits sur la vente du blé, du sel, de la viande, des marchandises, droits d'étal, de halles, de paniers, de foires. Banalité, tout un système de redevances est attaché à des obligations imposées par le seigneur et prend la forme d'un monopole. Ce sont les banalités. Elles n'apparaissent dans les documents qu'après le Xe siècle. Leur nom montre qu'elles ont été organisées au moyen du ban, qui est le pouvoir du seigneur de publier des règlements et de les faire exécuter sous peine d'amende. Mais l'origine de ce pouvoir est obscure et controversée. Les tenanciers sont obligés de faire moudre leur blé au moulin banal, de faire cuire leur pain au four banal, de faire presser leur vendange au pressoir banal. Et chaque fois, ils doivent une redevance. D'ordinaire, une portion du blé, de la farine ou de la vendange. Le seigneur exige une redevance des tenanciers pour leur laisser couper du bois dans ses forêts ou faire paître leurs bêtes dans ses pacages ou pêcher dans ses eaux. Quant au droit de chasse, d'ordinaire, le seigneur se le réserve exclusivement. Le seigneur impose aussi l'usage exclusif de ses poids et mesures, et c'est encore une occasion de redevance. Le seigneur interdit à ses tenanciers de vendre leur blé ou leur vin pendant un temps déterminé après la récolte, et pendant ce temps, il vend le sien sans concurrence. Tous ces monopoles sont plus oppressifs pour les tenanciers que profitables au seigneur. Droit de justice. Ce sont aussi des redevances, les droits que le seigneur lève en vertu de son pouvoir de justice. Les gens du Moyen-Âge l'entendaient bien ainsi, car dans les actes où sont énumérées les dépendances lucratives d'un domaine, on voit figurer la justice, à la suite des terres, vignes, prés, forêts, moulins. Dans presque tous les documents du Moyen-Âge, justice signifie le droit de lever des amendes ou le produit de ces amendes. Très souvent, ce droit est partagé et l'on parle de la moitié ou du quart de la justice de tel village. On avait fini par distinguer la haute et la basse justice, plus tard même la moyenne, d'après la valeur des profits. D'ordinaire, la haute justice commençait avec le droit de lever des amendes au-dessus de 60 sols. On y faisait rentrer le droit de condamner à mort qui entraînait le droit de confisquer les biens du condamné. Quelle est l'origine de ces justices? Le seigneur a-t-il reçu, a-t-il usurpé le droit de rendre la justice publique, réservée jadis au souverain et à ses fonctionnaires, ducs, comtes, centeniers? Ou n'a-t-il fait qu'étendre le pouvoir domestique exercé de tout temps par le maître sur les serfs de sa maison, par le propriétaire sur les tenanciers de ses terres? Le problème n'est pas considéré encore comme résolu. mais il faut se garder de la tentation naturelle de se représenter la haute justice comme un privilège réservé à quelques grands seigneurs. En France surtout, le seigneur d'un seul village, et chaque village n'était à l'origine qu'un seul domaine, a presque toujours la haute justice sur ses tenanciers. Beaumanoir, à la fin du XIIIe siècle, dit que tous les vassaux du comte de Clermont ont en leur terre toute justice. Si la Normandie fait exception, c'est que le duc qui l'a organisé s'y est réservé le droit de condamner à mort, justice du glaive. Il faut se souvenir aussi que la justice, ayant été traitée comme toute autre propriété lucrative, a souvent été démembrée, de façon à rendre méconnaissable, surtout au XIIIe siècle, l'étendue primitive des droits qu'elle conférait. Telle qu'on la voit organisée au XIIe siècle, la justice est une forme de l'exploitation des tenanciers par le seigneur. Le mot même d'exploit désigne les formalités judiciaires. On dit taillables et justiciables ou exploitables. Et de même que la taille, la justice peut être ou arbitraire ou limitée. C'est-à-dire que l'amende peut être ou à la volonté du seigneur ou fixée à une somme immuable. En général, le taux des amendes est devenu fixe. Pour chaque délit, la coutume a fini par établir une amende. Souvent aussi, le seigneur a conclu, avec les paysans, un contrat qui a réglé le tarif des amendes. Voici un exemple de 1239, tiré d'un village de Belgique, Sirot. On y voit avec quelle précision ont été prévus tous les cas. L'ilet dit, injure, est à 4 sols. L'i dit mentir, à 5 sols. Qui fier, frappe autrui, il est à 10 sols. Et s'y rend en iste, sort, il est à 20 sols. Qui sac, tire, arme et smolue, s'en fait rire, il est à 30 sols. Le coup de bâton est à 20 sols. Et s'y sent en iste, à 40 sols. Le coup d'arme et smolue est à 60 sols. Pour les crimes graves, meurtre, incendie, rapt, et d'ordinaire le vol, le droit du seigneur reste discrétionnaire. La peine est la mort ou le bannissement, et le seigneur confisque tous les biens du condamné. C'est aussi du droit de justice que proviennent les redevances payées par les tenanciers pour être dispensés d'assister aux 3 assemblées de justice annuelles, plaides généraux. Les rétributions levées sur les tenanciers qui plaidaient entre eux devant le tribunal du seigneur et probablement les droits de sceau, greffe, tabelliona, payé pour faire rédiger et authentiquer les actes privés, droits qui subsistent encore, ainsi que les études de notaire et les greffes civiles. Prestations. Beaucoup moins importantes que les redevances, les prestations sont des charges irrégulières, des réquisitions exigées par le seigneur, souvent sans qu'on puisse savoir à quel titre. La plus fréquente est le droit de gîte et procuration, dû souvent à un seigneur qui n'est pas le propriétaire du village. Les paysans doivent recevoir le seigneur quand il vient dans le village, le loger, lui, son escorte, ses chevaux, ses chiens, ses faucons, servir un repas aux hommes et donner à manger aux bêtes. Cette obligation ruineuse se régla peu à peu. La coutume établit combien de fois le seigneur avait le droit de se faire héberger. D'ordinaire, 3 fois par an, combien d'hommes et d'animaux il pouvait amener. À combien de plats et de pains il avait droit. Puis le droit fut converti en une taxe annuelle. Le droit de prise est le droit du seigneur de prendre ce qu'il lui faut pour les besoins de sa maison, provisions, bêtes de somme, charrues, fourrage, même des lits. D'ordinaire, moyennant un prix, soit arbitraire, soit fixé. Le droit de crédit permet au seigneur de prendre à crédit chez les marchands les objets qu'il demande. D'ordinaire, la durée du crédit est limitée. Corvée. La corvée, c'est-à-dire l'obligation d'aller en personne faire un certain travail, existait avant le Moyen-Âge, et sous deux formes. Le propriétaire exigeait de ses tenanciers des corvées pour son service. L'État imposait aux habitants des corvées pour entretenir les routes et les ponts. Toutes deux se retrouvent au Moyen-Âge. Mais les plus importantes de beaucoup sont les corvées du propriétaire. Les tenanciers doivent aider le seigneur à cultiver son domaine, labourer ses champs, travailler ses vignes, moissonner ses blés, faucher ses prés, engranger ses gerbes et son foin. D'ordinaire, ces services sont réglés. Le corvéable doit un nombre fixe de jours par an. Il doit ou le travail de ses bras seulement, manœuvre, ou le service de ses bêtes, de sa charrue, de ses charrettes, charrois. Parfois la coutume décide qu'il sera nourri par le Seigneur et comment il sera nourri. Les tenanciers doivent faire les transports pour le service du Seigneur, apporter le bois de chauffage, la pierre, les objets d'ameublement ou d'alimentation. Ils doivent faire les commissions du Seigneur. Ils doivent entretenir les routes, réparer les bâtiments, curer les fossés du château et les étangs du Seigneur. Ils doivent secourir en cas d'inondation ou d'incendie. Ils doivent aider le Seigneur dans ses guerres, aller dans son château, monter la garde de jour ou de nuit. C'est le guet. Construire les fortifications, creuser les fossés, faire les palissades. Ils doivent même le suivre à la guerre quand il fait une expédition dans le voisinage. C'est l'ost et chevauché. Dans l'ancienne corvée d'État, se sont conservées peut-être des corvées pour l'entretien des routes, des ponts et des digues, mais il devient difficile de les distinguer des corvées établies par le Seigneur à son profit. L'intendant, percevoir tant de droits variés, exiger tant de services, était une besogne compliquée et absorbante. Le Seigneur ne se souciait pas de s'y assujettir. Excepté quelques couvents de moines, on ne trouverait peut-être pas au Moyen-Âge un exemple de grand domaine administré directement par le Seigneur. Partout, le Seigneur délègue ses pouvoirs à un intendant. C'est avec l'intendant seul que les tenanciers sont en rapport. Un régime analogue subsiste encore dans les grands domaines de Hongrie et de Russie. Nous avons trop peu de documents sur les domaines des petits seigneurs laïcs pour dire comment les choses s'y passaient. Nous ne connaissons guère que l'exploitation des domaines des ecclésiastiques et des grands seigneurs. Il semble qu'à l'origine, il y avait dans chaque domaine un intendant, d'ordinaire un paysan, parfois même un serf. Les textes latins l'appellent tantôt major, tantôt d'un vieux nom romain, willicus. En allemand, il se nomme meilleur ou schultheiss, percepteur. Il jouissait d'une tenure plus importante que les autres tenanciers. Souvent, la fonction se fixa dans la même famille et le domaine, à partir du XIe siècle, fut administré par un maire héréditaire que le propriétaire ne pouvait plus congédier. Quand le domaine appartenait à plusieurs seigneurs, souvent l'intendant continuait à l'administrer pour le compte de tous. Les copropriétaires alors s'entendaient sur le partage des revenus et des profits. Mais, au XIIIe siècle, un grand nombre de villages nous apparaissaient partagés entre plusieurs intendants qui opèrent chacun pour le compte d'un seigneur différent. On voit très souvent, surtout sur les domaines d'un couvent, un intendant chargé d'administrer des tenanciers dispersés dans plusieurs villages. C'est la conséquence du démembrement de la villa. Les tenures isolées sont alors rattachés artificiellement à un centre d'exploitation placé hors du territoire du village. La maison de l'intendant est établie dans un village des environs. C'est ce qu'on appelle en Allemagne le Fronhof, maison de la corvée. Lorsqu'un même seigneur possédait dans un même quartier plusieurs villages, il en formait un groupe qu'il confiait à un intendant supérieur, appelé dans le nord prévôt, prepositus. Dans le Midi, Bail, Bayulus. En Allemagne, Hamann, quelquefois châtelain. Ces intendants aussi devinrent souvent héréditaires, et même il y eut des prévôtés inféodés, c'est-à-dire donnés en fief. Le nom du prévôt fut donné aussi à l'intendant d'un seul village. L'intendant représentait le propriétaire, qui lui laissait exercer tous ses droits. Il exploitait la réserve, faisait entretenir les bâtiments, cultivait les terres, rentrait les récoltes. Il réclamait et surveillait les corvées. Il levait les redevances fixes et fixait les redevances variables, d'ordinaire après avoir consulté les notables du village, pour savoir les facultés de chacun. Il affermait le four, le moulin, le pressoir, la halle, il faisait crier le banc par un crieur. Il faisait arrêter les malfaiteurs, rendait la justice, levait les amendes et exécutait les condamnés. Il conduisait les tenanciers à l'armée du Seigneur. Pour ses services, l'intendant d'ordinaire ne recevait pas de salaire. Il se payait lui-même, en gardant une partie des profits. À partir du XIIe siècle, en France, on en vint à affermer les prévôtés. On mettait la ferme aux enchères pour un certain nombre d'années. L'intendant n'était point un fonctionnaire payé pour administrer un village. Sa charge lui rendait ce qu'il savait lui faire rendre, car il dépendait de lui de tirer plus ou moins des tenanciers. Ce qu'un tel régime représentait de vexations et de menues rapines se conçoit aisément par l'exemple des intendants de Russie avant l'abolition du servage. Caractère et extension du régime seigneurial. Il n'est guère possible, par un cas unique, de donner une idée complète d'un régime si compliqué et si varié. L'exemple qui suit est pris sur un domaine ecclésiastique au XIIIe siècle, dans une province, la Normandie, où la condition des vilains était assez favorable. Les renseignements tirés d'un petit poème satirique qui trace le tableau de la vie des vilains de Verson sont confirmés par le cartulaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel dont le village dépendait. Les tenanciers doivent amener la pierre, gâcher le mortier et servir les maçons. À la Saint-Jean, ils doivent faucher, faner et apporter le foin au manoir à réquisition. En août, ils doivent moissonner le blé du couvent, le mettre en gerbe et l'engranger. Sur leur tenure, ils doivent le champard. Ils ne peuvent enlever leur gerbe avant d'avoir été chercher le champarteur, qui prélève son dû, ils doivent le porter sur leur charrette à la grange du champard. Pendant ce temps, leur blé reste au vent et à la pluie. À la Notre-Dame de septembre, le vilain doit le porcage, un porc sur 8. Il a le droit d'en excepter 2, le troisième est au Seigneur. À la Saint-Denis, il paie le cens. À la Noël, il doit les poules. Il doit aussi le braisage, 2 setiers d'orge et 1/4 de froment. À Pâques fleurie, il doit le moutonnage, et s'il ne s'acquitte pas au jour dit, le Seigneur lève une amende arbitraire. À Pâques, il doit la corvée. À titre de corvée, il doit labourer, semer, hercer. Si le vilain vend sa terre, il doit au Seigneur le 13e de la valeur. S'il marie sa fille hors de la seigneurie, il paie 3 sols de droit de mariage. Il est soumis au ban du moulin et du four. Sa femme va porter le pain. Elle paie le fournage, le tortel, l'aillage. La fournière grogne, car elle est moult orgueilleuse et fière. Et le fournier se plaint de n'avoir pas son dû. Il jure que le four sera mal chauffé et que le pain du vilain sera tout cru et mal à tourner. Le tableau finit sur ce trait qui montre les vilains en proie aux tracasseries des subalternes. Ce régime d'exploitation rurale déroute nos habitudes. Il réunit en une masse confuse tous les systèmes que nous voyons aujourd'hui fonctionner séparément. Aujourd'hui, nous connaissons la grande culture pratiquée par les grands propriétaires et la petite culture pratiquée par les petits propriétaires. Le Moyen-Âge est un temps de grande propriété et de petite culture. Le grand propriétaire distribue la plus grande partie de son domaine entre des paysans qui y pratiquent la petite culture à la façon de nos petits propriétaires. Aujourd'hui, le propriétaire qui ne cultive pas sa terre lui-même choisit entre 2 procédés. Ou il l'exploite directement au moyen de journaliers salariés, ou il l'abandonne à un fermier ou à un métayer, moyennant un prix ou une quote-part convenue. En ce cas, il reprend sa terre à l'expiration du contrat. Au Moyen-Âge, le propriétaire emploie les mêmes hommes comme journalier sur sa réserve et comme métayer sur les terres qu'il n'exploite pas directement. Mais ce sont des journaliers qui ne reçoivent pas de salaire, et des métayers héréditaires auxquels il ne peut plus reprendre la terre qu'il cultive. Le propriétaire, en laissant les générations de tenanciers se succéder sur le même sol, a, par une sorte de prescription, perdu son droit absolu de disposer de la terre. Les tenanciers, en échange de cette jouissance héréditaire, restent soumis à des charges pécuniaires ou personnelles qui représentent une sorte de prix de fermage. Ces redevances et ces corvées, dues au Seigneur, ne peuvent donc être comparées à un impôt et à une prestation publique. Elles reposent sur un même principe que les obligations des fermiers et des métayers modernes. Elles dérivent du droit du propriétaire de faire payer au tenancier le service qu'il lui a rendu en lui prêtant sa terre. La différence, c'est que le tenancier du Moyen-Âge jouissait d'une possession consolidée, grevée seulement de charges fixes, tandis que nos fermiers n'ont qu'une possession précaire et sont exposés à voir augmenter leurs charges en fin de bail. Il était donc dans une situation plus solide, plus voisine de la propriété. Et cependant, les droits féodaux, comme on les appela plus tard improprement, devaient devenir si odieux qu'il a fallu les abolir dans toute l'Europe. C'est que les paysans, devenus possesseurs et héréditaires, avaient fini par considérer leur tenure comme une propriété grevée de servitude. Ils s'entêtaient en propriétaires, non en fermiers. Le seigneur leur semblait un parasite qui ne leur rendait aucun service en échange de ce qu'il leur prenait. L'autre trait caractéristique de ce régime, c'est qu'il n'y a pas au-dessus du seigneur un État pour intervenir entre lui et ses paysans, comme l'État moderne intervient entre les propriétaires et les fermiers. Il n'y a, dit un juriste français du XIIIe siècle, entre ton vilain et toi de juge que Dieu. Dans la plupart des pays, les tenanciers n'ont même pas le droit de s'assembler pour délibérer sur leurs intérêts communs, sans la permission de leur seigneur. L'assemblée illicite est un crime passible d'une amende arbitraire. Ainsi, les paysans sont soumis sans défense au seigneur et à son intendant. Or, le seigneur est à la fois juge et parti, et aucun pouvoir supérieur ne l'oblige à rester dans la limite de ses droits. La condition des paysans dépend donc du caractère du seigneur et de l'intendant, et ainsi elle reste toujours précaire. On se ferait une idée fausse si on se représentait tous les paysans de l'Europe sous le régime que nous venons de décrire. Il est resté pendant tout le Moyen-Âge des paysans pleins propriétaires, indépendants des seigneurs du voisinage, soumis seulement aux princes du pays, parfois même organisés en communautés. Les Alaudiers d'Aquitaine, les Montagnards du Béarn, du Bigorre et des Pays Basques, les Hommes Libres de Schwitz et d'Appenzell, les Libres Paysans des Alpes, de Westphalie et de Frise, sans parler des fermiers de Normandie, des Frontenants anglais et des Amphithéotes d'Italie. Mais ils ne formaient que des groupes épars de loin en loin. Et on se ferait une idée beaucoup plus fausse encore si on se représentait, fût-ce le quart seulement des paysans du Moyen-Âge, à l'image de ces privilégiés. Fin de la section 2.